Vous pouvez me renseigner? J'ai vu cet ordinateur là. C'est pour mon fils. Ah, le LG 2500. Il est très bien. Mais si votre fils veut faire des jeux vidéo, il faut le ML780. Mais il est plus cher que l'autre. C'est quoi la différence? Le ML780 va plus vite. Le LG fonctionne moins rapidement. Ce n'est pas bon pour les jeux. Ah bon? Et pour écrire du texte? Pour le texte, le LG marche aussi bien que le ML. Mais celui-là est blanc. Il est moins joli. Oh, le blanc est aussi beau que le noir. Prenez le ML780. C'est un meilleur ordinateur et votre fils travaillera mieux avec celui-là.